بسم الله الرحمن الرحيم. نتقول اليوم في الدرس 74 لسون في السؤال 73 بعد 400 كيل سون 73 كيستيون. قال ما هي غزوة العسرة؟ كيل لا كونكيت دو لا ديفيكولتي اي سي تابوك لا كونكيت دو تابوك لا باتيل دو تابوك. Et dans le Coran, Allah Azzawajal l'a nommé. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد أن كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. Que Allah Azzawajal, dans le sens où il dit qu'il a accepté le repentir, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que des muhajirin et des ansar, de ceux qui l'ont suivi lors du moment de difficulté. Et ce moment de difficulté, justement, c'est Hazrat Tabouk. Ce matin, le fils Soel et Arabi va se baigner dans l'Arabie. Quelles sont son 14e question? Manum Salafa, Al-Lazina, Tahallafu, Hazrat Tabouk, Soma Taballah alayhim. Qui sont les trois qui n'ont pas assisté à cette bataille, et c'est-à-dire qui n'ont pas assisté sans excuse à la base. Et ils sont Ka'b ibn Malik, wa Mirarat ibn Rabi', wa Hilal ibn Umayya. Et d'ailleurs, ces trois-là, ensemble, leur nom, ça donne Mekka. Le Mim pour Mirara, le Kef pour Ka'b, et le Ha pour Hilal. Et le Dalil, c'est la parole d'Allah dans le sens Arfan. Qulullahu Azza wa Jal, wa ala thalathati allazina khullifu hatta yasdaqat 'alayhim al-ard bima rahubat. وَدَاقَتْ عَلِيمُ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَلَّا مَرْجَعَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Dans le sens où Allah dit justement sur les trois dont l'affaire a été repoussée à tel point que leur propre âme leur est devenue étroite ainsi que la terre sur laquelle ils vivaient. C'est-à-dire que ces trois-là, après cette excuse auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam en ayant dit la vérité, il a été ordonné aux autres de leur faire le hajj pendant 50 jours. Personne ne leur parlait. D'accord ? Personne ne leur parlait pour ce salam. Une épreuve qui est très difficile, afin d'éprouver leur sincérité, car à la base, ceux qui n'ont pas participé à la bataille de Tabouk, sans excuse, étaient considérés comme étant des munafiqoun. Mais Allah Azzawajal a voulu élever ces trois-là, pour leur véracité. Donc ils ont commis l'erreur de ne pas assister. Cependant, ils étaient sincères en reconnaissant qu'ils n'avaient pas d'excuses et qu'ils ont réellement regretté. Et par la suite, ils ont été élevés pour cela. Et leur histoire, justement, est une preuve du côté légiféré du boycott, du fait de faire le hajj. Car ils n'étaient pas des munafiqoun, ils n'étaient pas des gens d'innovation, ni gens de passion. Ils ont été boycottés pour une erreur qu'ils ont commise et qu'ils ont reconnue. Donc, qu'en est-il de gens qui font du mal volontairement? Donc ils innovent dans la religion volontairement. Ils sont encore plus en droit d'être boycottés par la suite. Quelles sont les 75e question? Man huwa zawj Fatima binti an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qui est le mari de Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et c'est ma'rouf, c'est Ali ibn Abi Talib. C'est Ali ibn Abi Talib qui était son mari. D'ailleurs, Omar et Abu Bakr avaient demandé la main à Fatima, mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas voulu. Elle a été destinée à Ali ibn Abi Talib. قال في السؤال السادس والسبعين بعد 400 ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم quelles sont 76 questions? ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن علي في غزوة خيبر? Qu'est-ce que le prophète sallam a dit à propos de Ali à la bataille de Khaybar? قال لو اتينا رايا غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. Il a dit que je vais certes donner demain l'étendard à un homme qui aime Allah et son messager et que Allah et son messager aiment. Et ce cet étendard a été donné à Ali radhiyallahu anhu. كذلك قال في السؤال السابع والسبعين بعد 400 477 question. من هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم انت مني وانا منك. Qui est celui dont le prophète صلى الله عليه وسلم a dit je suis tu es de moi et je suis de toi. s'agit de Ali également. Dans le hadith de Bara, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, li Ali ibn Talib, anta minni wa ana minki. ثم قال في السؤال الثامن والسبعين بعد أربعمائة. Quelles sont 78e question. من هو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ Qui est le حواري؟ Généralement حواري les traduisent par apôtre dans les masahif. C'est comme une forme de compagnon et d'assistant et de conseiller. Et ils traduisent cela par apôtre. Donc il dit, qui est-il? C'est Zubayr ibn Awam, qui lui est parmi également les 10 promis au Jannah. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, hadith Jabir ibn Abdillah, radiallahu anhu, قال, inna li kulli nabiyin hawariya, wa inna hawariya al-Zubayr. Il dit que chaque prophète a hawari, un apôtre, et que moi, mon apôtre à moi, c'est Zubayr. Et le hadith, c'est Muttabakun alayhi. ثم قال في السؤال question que je passe الواحد وثمانين بعد أربعمية 480e question من هو أمين هذه الأمة qui est l'homme de confiance de cette communauté il s'agit de Abu Ubaida ibn Jarrah et comme on a expliqué la dernière fois ça c'est parmi ses mérites cela ne veut pas dire qu'il est meilleur que d'autres comme Abu Bakr Siddiq ou Omar mais parmi ses particularités lui c'est qu'il était de confiance purement et qu'il était heureux, il a listé parmi ces distinctions. Comme dans le hadith de Anas, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Ubbel, Hadha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, biyadi Abi Ubaida, faqala, Hadha aminu hadihi l'umma, que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris Abu Ubaida par la main et il a dit, voici l'homme de confiance de cette communauté. Et le hadith, il est muttafaqun alayhi. ثم قال في السؤال الثالث وسبعين بعد عفوا السؤال السؤال الثالث وثمانين بعد أربعمية كيف سكت خطوزم كيستيون من أول من رمى بسهم في سبيل الله كي لو بروميير avoir décoché une flèche sur le sentier d'Allah lors du jihad et c'est Saad ibn Abi Waqqas comme dans un affaire qu'il était dit إن أول عرب رمى بسهم في سبيل الله. Cela est apporté dans le Sahih Bukhari de Muslim que le premier arabe à avoir décoché une flèche sur le sentier d'Allah, c'est Saad radhiyallahu anhu. ثم قال في السؤال الخامس وثمانين بعد أربعمية. 485e question. من هو خادمه؟ Qui est son serviteur ou son servant plutôt connu. Il en a eu plein, mais le très connu c'est Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, qui lui était un Ansari. Il n'était pas mélangé des gens de la Médina. Et قال في حديث أنس قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي اوف ولا لما صنعت ولا على صنعت qu'il a dit j'ai servi le prophète صلى الله عليه وسلم durant 10 ans et ne m'a jamais dit ouf c'est-à-dire un souffle de désapprobation ni qu'il m'a dit pourquoi n'as-tu pas fait telle chose ou qu'il ne m'a pas dit fais telle chose dans le sens ou tu devrais faire telle chose. Et cela du fait que Anas était un enfant très intelligent qui anticipait. C'est-à-dire qu'il n'avait pas besoin qu'on lui dise de faire les choses, il savait déjà ce qu'il avait à faire. Ah, va. D'accord. Et ça, c'est un exemple.